d'hiver. Ha, root score, yo. On aimerait se voir et c'est clair, notre rap est caché des terres. Tu dis que je suis un parasite, mais je suis un mal nécessaire. Ici les gars désespèrent, outils black et d'équerre. N'oubliez pas de rester fier face à la bague téméraire. Vie entre drame et détresse, tu veux nous casser les fesses. Donc t'étonnes pas si tu vois des petits en train de cramer des caisses. Ou même si t'entends des rappeurs parler des pistes de test. Moi j'ai vu le présentateur taper des lignes de cesse. Ou bien même des très grands acteurs raquer des filles de l'Est. Donc sur mon écran d'accueil j'ai marqué c'est Swift le best. Qui te blesse et qui vise les gros billets verts. Capitaliste espère un jour devenir propriétaire. Oh oui c'est clair, la société elle atrophie mes frères. La folie m'effraie mais on s'en fout tant que le profit est fait. Mon rap aussi est frais même si ma vie est périmée. Déterminée, je ferai jamais de la zik efféminée. A chaque moment regard foncé avec la colère en charbonnant. Avec acharnement je dois foncer la tête la première. J'apporte un brin de mal-être, la détresse dans la gorge vient de paraître. Mes faiblesses sont ma force et rien ne m'arrête. Même s'ils ne voient qu'un mexto, non moins un nouveau dressage. Quand ils envoient un texto j'envoie un nouveau message. On est que nous au départ, déterminé à s'arracher, à cravacher avec des boulots de clébards. Je vais parcourir les déserts, le globe, zone m'évader, médite. Leur que mes ailes ne grognent, tirer de la m'envoler comme ces aigles, comme un grand besoin de liberté. T'entends, 5 fiches d'indépendance. Préserver tout ce qui me reste ici bas avant que la misère me cope. Acharné, j'ai produit sans tutoriel, comme réserve d'or. Rien à taper, frère, c'est tout ou rien. Je préfère me tordre ou un de vos guéguerres. Je sombre dans la folie d'un chien à trois pattes. Des terres, je fonce sans limite. Et celui qui veut bien ma patte, ils disent qu'on ne passe pas les portes, nous traite de lascar et autres. Déterminé comme on l'était, on l'est la bastard de l'époque. Et même sur les routes, une spell que la jeunesse fasse pas l'effort. Déterminé jusqu'au bout, si c'est pas nous, ben ce sera les autres. Ils disent qu'on leur pouffe leur pain, je dérange. Des terres comme nos pères le sont, comme nos mères quand leurs doutes, leurs peines les rongent. Et pour le reste, on se passera des loges. Déterminé, déterminé. Bien parce que le goût de l'asphalte, j'ai fait l'homme. Pour où y'a pas de fil, j'crois que c'est un prêt de ma rétine. J'suis dans la peau de cette femme battue qui se fout des lois après t'arrêter. Combien vendent des CD mes rames, combien dans la CC des raps. C'est décidé, même excédé, ça me fera pas cesser mes raps. J'compte pas sur la baraka. J'galère encore pour des affaires commises, une course c'est haraka. Fais un tout père pour voir la terre promise. Et on a qu'une parole, mais elle s'efface, donc j'tiens la mienne. Déterminé, j'fais face, juste étudiant sur la place, tienne mène. Une daronne qui visite son fils qui sent seul au parloir. Un daron qui trime à l'usine pour 100€ par mois, à part moi qui m'aidera, on s'en manque pas les envieux. Déterminé, à partir de ce bas monde en étant pieux. Et tant mieux, si j'y arrive, ça n'aura pas été facile. Déterminé, ça est la rime et j'peux pas saper mes racines. C'est vrai pour que tu me comprennes, j'pourrais t'écrire des lettres et combattre. Mais n'y compte pas, déterminé, il faudra l'être et combattre. A chaque moment, regard foncé avec la colère en charbonnant. Avec acharnement, je dois foncer la tête la première. J'apporte un brin de mal-être, la détresse dans la gorge vient de paraître. Mes faiblesses sont ma force et rien ne m'arrête. Même s'ils ne voient qu'un mexto, non moins un nouveau dressage. Quand ils envoient un texto, j'envoie un nouveau message. On est que nous au départ, déterminé à s'arracher, à cravacher avec des boulots de clébards. A chaque moment, regard foncé avec la colère en charbonnant. Avec acharnement, je dois foncer la tête la première. J'apporte un brin de mal-être, la détresse dans la gorge vient de paraître. Mes faiblesses sont ma force et rien ne m'arrête. Même s'ils ne voient qu'un mexto, non moins un nouveau dressage. Quand ils envoient un texto, j'envoie un nouveau message. On est que nous au départ, déterminés à s'arracher, à cravacher avec des boulots de clébards.